بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Dis, je cherche protection auprès du Seigneur de l'aube naissante. من شر ما خلق. Contre le mal des êtres qu'il a créés. ومن شر غاسق إذا وقب. Contre le mal de l'obscurité quand elle s'approfondit. ومن شر النفاثات في العقد. Contre le mal de celles qui soufflent, les sorcières, sur les nœuds. ومن شر حاسد إذا حسد. Et contre le mal de l'envieux quand il envie.